À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu, qui faites l'homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton, quand on vous en donnera. Et ne venez point rire des miens. Oh, monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux. Je veux faire le brave, et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi. Et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Eh, doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur maître Jacques... Il n'y a point de monsieur maître Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment? Un bâton? Je ne parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur le fat, que je suis homme à vous rosser vous-même? Je n'en doute pas. Que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier? Je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore? Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous. Hein. Je le disais, en raillant. Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Apprenez à que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité. C'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce et je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître. Il a quelque droit de me battre, mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je puis.